plein de fils rouges à Archipel cette année, dont vous avez peut-être déjà pris connaissance via le site internet archipel.org ou d'une autre manière. Voilà, dont parmi tous ces topics, archi-topics de cette année, il y en a un intitulé Wellness, qui nous a inspiré pour la mise en route de la radiozine 2025 cette année. Donc au lieu de commencer avec 3 respirations comme l'année passée, nous allons commencer avec quelques secondes de home contemporain, c'est-à-dire on se détend un peu les lèvres en faisant... Je m'attendais pas à ça. Je n'avais pas prévenu, pardon.